Luca Quadra, Colo Charisme, Mongo Dibala, ici la Cadé, Adolfo Mouté, Bachi la Mouina, alors la Moukoura Lélo, le lobby est Sagi Ketoubina, Louis Blaise, l'Onolin, Koinyama, alors la femme de Tobina, Sagi Ketoubina, Sagi Charisme, Tala Charisme, J.R. Kuba, Sala Charisme, J'ai mon Tingia, Peta Charisme, Allez, putain, qui en fout. Charisma, Sofiana, Charisma, Sina. Nano SS Charisma, Charisma Guy Bouchiri, Jacques comment voit moi Charisma, Charisma, Charisma, Charisma Del Papo Couture, Charisma. À Paris Yamba Chéri, Arnaud Technologie Dis-lui je t'aime. Allez fais lui câlin Yamba Chéri, Joseph Berthier.